Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Nous ne sommes pas seuls en montagne. Il y a des chamois, des vouivres, des daus, ça c'est une évidence. Aujourd'hui, il y a des loups qui sont de retour, mais par le passé, était-il dangereux pour l'homme? Le 8 novembre 1710, l'intendant écrit au contrôleur général de finances, nous trouvons en Savoie, « Je n'ai jamais entendu la moindre plainte des peuples là-dessus et les loups et les ours qui peuvent habiter les montagnes ne font de mal à personne. » Le loup et la montagne, oh le beau sujet polémique! Car écrire l'histoire du loup en montagne, c'est un peu chasser le dahu. Jean-Marc Morisseau, bonjour. Bonjour. Quand nous parlons du loup et de la montagne, il faut déjà peut-être définir ce que nous entendons par le mot montagne. Où le loup peut-il habiter dans la montagne? Alors effectivement, si aujourd'hui le loup est revenu naturellement dans un contexte protégé depuis novembre 1992 par la montagne, par les Alpes et le Mercantour, il n'en demeure pas moins que dans les périodes historiques, c'est surtout les plaines et les plateaux qui l'occupaient. Et en matière de montagne, c'était plutôt les montagnes à vaches, c'est-à-dire la moyenne montagne, là où, en dehors du gibier, le bétail et les activités humaines étaient importantes. Et l'intendant du Dauphiné, dont vous rappelez justement le propos en 1710, ne s'y trompait pas, ce n'était pas dans les hautes montagnes, entendez au-delà de 2000-2500 mètres au-dessus, que le loup était présent, mais plutôt sur les bas plateaux. Et Julien Allot, qui a fait une thèse d'histoire sur le loup dans les Alpes occidentales, il y a une dizaine d'années, a bien montré que c'était dans les basses plaines et les contreforts, en quelque sorte, des montagnes, que les ravages de loups sur le bétail et sur les hommes étaient alors importants. Jean-Marc Morisseau, vous êtes professeur à l'université Caen Normandie, vous êtes président de l'association d'histoire des sociétés rurales et vous travaillez sur le loup, notamment l'histoire du méchant loup, 3000 attaques sur l'homme en France du 15e au 20e siècle, c'était chez Fayard, l'homme contre le loup, une guerre de 2000 ans chez Fayard également. Dites-nous, Jean-Marc Morisseau, mais dans cet inventaire des attaques, vous en étiez à 3000, les chiffres ont changé ? Bien sûr, parce qu'il y a toute une enquête collective, c'est la seule qui doit exister en Europe sur la question, sur les rapports homme-loup qui est établi à Caen depuis une dizaine d'années. Et un site internet accessible à tous qui s'appelle Homme et loup, 2000 ans d'histoire, montre qu'on a retrouvé à peu près 10 à 12 000 victimes identifiés hein, de loups pour 60% de loups prédateurs qui ont véritablement attaqué l'homme pour le dévorer et pour 40% de loups enragés qui avaient un comportement tout à fait différent, essentiellement entre 1580 et 1830. Jean-Marc Morisseau, d'ailleurs, ce regard sur les sources vous permet d'apercevoir le loup. Comment sait-on qu'une personne a été tuée par un loup? En fait, il faut que ce soit clairement indiqué. Alors, on a beaucoup de preuves qui l'indiquent, dans la mesure où les personnes qui ont été attaquées par le loup, soit c'est des loups enragés, et il y avait des témoins adultes qui étaient assez nombreux et qui essayaient évidemment de résister au loup, mais là, la morsure était mortelle qu'au bout de quelques heures dans certains cas, mais surtout au bout de quelques semaines, voire de quelques mois, quand la rage, évidemment, s'emparait de la victime. Quand ce qui concerne maintenant les loups prédateurs, les loups attaquaient en général les enfants entre 7 et 14-15 ans parce qu'ils étaient des êtres familiaux exposés dans les pâturages près des montagnes, au-delà des maisons, aux portes des forêts, à la dent de quelques loups prédateurs particulièrement carnassiers, comme on disait. Et ces enfants n'étaient pas seuls et donc il y avait encore des témoins. En général, d'autres congénères qui avaient entre 10 et 14 ans qui appelaient les secours. Et quand les secours arrivaient, en général, le loup n'avait pas pu terminer sa prédation et il restait des parties de cadavres à enterrer et on donnait la chasse au loup et il arrivait, pas toujours, hein, c'est assez difficile hein, d'obtenir en quelque sorte la capture d'un loup, mais il arrivait également qu'on réussisse à abattre le loup en question. Et d'ailleurs, il faut définir quel est cet animal qui attaque. Est-ce vraiment un loup? Bien souvent, c'est une bête. Quand le jour s'est levé, j'ai essayé d'approcher ce chamois. J'ai traversé ces gros blocs. quand j'ai relevé la tête, j'ai vu un monstre bestiaux. Un bestiaux ? Énorme, gros comme un char à foin, avec une queue, avec des piquants gros comme mon bras. Et la tête ? Elle était comment, la tête ? Énorme, avec des yeux gros comme ton panier, là. T'as attendu longtemps ? Oh, j'en sais rien, j'ai pas compté. J'avais bien trop la caque. Tout d'un coup, ce bestiaux s'est retourné, il crachait des flammes d'une longueur, ça a grillé tous les mélèzes à côté, et même le pré. Puis après, il est reparti en direction de la forêt des Parts. C'est ce jour-là que je l'ai vu, ce gros bestiaux. Ce gros bestiaux dans l'émission La Conquête du Mont Blanc en 1981. Ce témoignage sur la bête, Jean-Marc Morisseau, à l'évocation de ce mot de bête, cela vous fait comprendre combien le mot loup est un mot qui est parmi notre vocabulaire contemporain, que les gens du passé pouvaient utiliser un autre vocabulaire pour désigner les bêtes qui attaquaient. Tout à fait. Il faut d'abord bien considérer que dans la plupart du temps, dans la plupart des cas, le loup n'attaque d'abord que le gibier, et s'il n'y a pas de gibier, il attaque le bétail. Et dans le bétail, il attaque évidemment les proies les plus faciles, on pense à ce qu'on appelle les bêtes à laine, les moutons, c'est le problème qu'ont la plupart des bergers aujourd'hui, mais occasionnellement aussi, d'une manière sensible, les bêtes à cornes, c'est-à-dire les vaches et les veaux, voire aussi les chevaux, les équidés, les mulets, et aussi les cochons. Mais occasionnellement, c'est encore plus rare, il peut attaquer l'homme comme je l'ai évoqué. Simplement, il y avait peut-être que 1 à 2% des loups qui attaquaient l'homme, donc c'est très peu, mais en chiffre absolu, comme il y avait 20 fois plus de loups au moins jusqu'au XVIIIe siècle qu'aujourd'hui, on peut penser qu'il y avait entre 10 et 50 loups qui pouvaient être menaçants pour l'homme chaque année. Alors ces loups qui sortaient de l'ordinaire pour attaquer l'homme, qui étaient peut-être des loups disperseurs, qui étaient souvent des loups isolés, les contemporains leur donnaient le nom de bêtes parce qu'ils sortaient de leur condition animalière normale, de leur condition biologique, aux yeux évidemment des témoins, pour remettre en cause la place de l'homme dans l'univers. Et depuis les anciens penseurs antiques et les premiers penseurs chrétiens, depuis Isidore de Séville, depuis le 4e et le 5e siècle, l'animal qui attaque l'homme sort de sa condition biologique, au point de vue des mentalités évidemment, et il devient ce qu'on appelle une bestia en latin, une bête. C'est le cas du lion, c'est le cas du tigre et c'est le cas du loup. Alors en Europe, le lion et le tigre avaient disparu depuis l'Antiquité, restait le loup depuis à peu près 2500 ans, et c'est donc depuis 2500 ans, quelques-uns de ces loups, chaque année, évidemment au cours des siècles il y en a des centaines, qui ont été qualifiés de bêtes quand ils attaquaient l'homme en série, c'est-à-dire quand ils faisaient des dizaines de victimes, voire des centaines de victimes. Avec le loup, nous sommes dans un animal bien concret, bien présent, présent dans notre imaginaire et présent dans notre réalité. Les bergers aujourd'hui le savent très bien, mais dans la montagne, il y a d'autres animaux. Aurélie Resseur-Elzingre, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en linguistique et chargée de cours à l'université de Neuchâtel. Et bien justement, dans votre travail de linguistique, vous avez étudié les contes. Ces contes étonnants, ces contes du Jura, les animaux sont évoqués. Le loup a une place particulière ? Alors, il y a un des contes qui parle effectivement du loup. Alors, ce n'est pas un loup habituel, c'est un loup-garou. Ah oui, directement. On ne fait pas dans la demi-mesure, dans le Jura. Non. Quels animaux apparaissent justement dans ces contes ? Alors, il y a des animaux fantastiques. Par exemple, la vouivre, typiquement, qui est notre dragon régional, si on veut. Donc, pas du tout la vouivre de Marcel Aimé, qui se transforme en jeune fille, mais c'est un dragon volant, en fait. Hein. Vouivre, ça vient de vipera, en latin. Donc, c'est un serpent, en fait, un serpent volant, qui a une escarboucle sur le front, donc une espèce d'émeraude, en fait, qu'elle enlève quand elle va se baigner. Et évidemment, l'idée, c'est d'attraper son bijou pour devenir riche, hein, pour obtenir de la puissance. Ces animaux nous fascinent, bien sûr, mais s'ils sont dans les contes, c'est parce qu'ils sont fascinants. Aurélie Resseur-Elzingre, vous êtes l'auteur de Vouivre, Sorcière, Grimoire et Loup-garou, contes et légendes du Jura. Nous en écoutons un extrait. Les quatre amis furent du même avis. Il fallait aller délivrer les quatre princesses. Ils s'armèrent donc avec ce qu'ils trouvèrent et se dirigèrent vers le donjon. D'un coup de pelle, le petit forgeron assomma la plus grosse des vouivres. D'un coup de tisonnier, Brisefer éventra la seconde. Avec un chenet de cheminée, Jean de la Meule tua la troisième. Et avec la crémaillère, Pioche Montagne se débarrassa de la dernière. Ils libérèrent les quatre jeunes filles du cachot. Si leurs vêtements étaient déchirés, elles n'avaient pas eu faim ou soif, car les vouivres les avaient bien nourries et désaltérées. Daniel Königsberg qui nous lisait un extrait d'un conte où il est question de vouivre. Alors Aurélie Resser-Elzinger, quelle était votre démarche? En fait, vous les avez traduits ces contes, d'où viennent-ils? Oui, exactement. Donc, en fait, il s'agit d'une partie de ma thèse de doctorat. J'ai travaillé sur des manuscrits qui ont été récoltés par un instituteur jurassien fin 19e, début 20e siècle, qui était amateur de folklore et qui était patoisan, donc il parlait le dialecte jurassien. Et il a été récolté en fait des contes et des légendes autour de chez lui, dans les villages alentours, chez des personnes qui savaient encore ces histoires. Et il les a mis par écrit, mais évidemment c'était en patois. Donc j'ai travaillé sur ces manuscrits en patois, en dialecte. Donc c'est un dialecte d'Oyle, hein, qui fait partie des dialectes du nord de la France. Et alors je les ai traduits pour un plus grand public avec des explications étymologiques sur certains termes qui étaient utilisés. Justement, nous restons dans le Jura avec vous, Marcel Jacquat, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes fondateur du Cercle ornithologique des montagnes Neuchâteloises et vous avez été conservateur du musée d'histoire naturelle de la Chaux-de-Fonds en Suisse. Justement, dans un musée d'histoire naturelle, il est question d'animaux. Quels sont les animaux qui peuplent, non pas le musée, mais l'imaginaire dans le Jura? L'imaginaire, ça dépend à quel moment. Si vous me parliez d'il y a 50 ans, je pense que le loup aurait fait particulièrement partie de cet imaginaire. Maintenant, il fait partie des réalités. L'imaginaire, évidemment, traditionnel, et comme vous l'avez relevé, c'est l'histoire du Dahu, qui est une tradition ancienne dont on a pu retrouver les traces pratiquement au début du 19e siècle. Et pourtant, déjà au 16e, 17e siècle, Pierre de l'Étoile, dans son journal d'un bourgeois de Paris sous Henri III, écrit « Car il semblait proprement les voir marcher, allant comme à tâtons et pas mesurés, qu'ils s'acheminassent pour aller prendre le daru. » Or, le daru, c'est une expression qu'on retrouve de manière parallèle avec Dahu, Derry, Dari, etc. Et bien justement, il est là, le Dahu. France Culture. Si t'es descendu sur la partie d'au-dessus de ton individu, le cours de l'histoire. C'est la photo Dahu. Xavier Mauduit. Justement, Marcel Jacquat, qu'est-ce qu'un Dahu précisément? Parce que vous avez eu la malice de consacrer une exposition au Dahu. Effectivement, un musée d'histoire naturelle doit présenter la faune locale, même si c'est parfois une faune un peu particulière comme avec le Dahu. Le Dahu est un animal dont la conformation des membres est particulièrement adaptée à la marche en montagne, puisque ses pattes sont plus courtes d'un côté que de l'autre, donc il est vraiment adapté à marcher sur nos pentes. Et cet animal, évidemment, il a quelques caractéristiques en plus, c'est que on le chasse, on l'apprécie, parce qu'il joue plusieurs rôles. D'abord, il fait partie d'une tradition ancienne, comme je l'ai soulevé, mais il a aussi un rôle de rite intégrateur social. C'est-à-dire que si vous invitez quelqu'un à venir à la chasse au Dahu, c'est que vous vous intéressez à cette personne. Il y a l'autre vision des choses. Si vous invitez quelqu'un à venir à la chasse au Dahu, ce peut être un de ces citadins omniscients qui revient à la campagne et qui sait tout. Et on va lui montrer, en lui jouant un tour, ce que c'est qu'un dahu. Et ça le remet un petit peu en place. Et puis enfin, il y a le jeu de l'esprit critique. Est-ce qu'on peut montrer un dahu dans un musée d'histoire naturelle qui est un musée sérieux, de la science, n'est-ce pas? Enfin, la science a le droit de rigoler aussi. Et c'est par rapport à cet esprit critique que nous avons joué dans cette exposition aussi. Voilà, c'était au milieu des années 1990, et justement régulièrement... 95 même. Voilà. Même, et cette exposition a d'ailleurs voyagé, elle est allée à Bourges, elle est allée à Besançon, et puis j'ai été appris à faire des conférences un peu partout sur cet animal étrange. Cet animal étrange qui fascine jusque dans les journaux télévisés. Tendez bien l'oreille, le brame que vous entendez n'est pas celui d'un cerf ou d'un chamois, mais celui d'un de leurs lointains cousins. Aujourd'hui, on a réalisé le rêve de tous les cryptozoologistes du monde alpin, apercevoir le fameux dahu, plus exactement un Lateralis bastiensis. Notre caméra l'a immortalisé sur les contreforts de la Chartreuse. Fébrile et plein de doutes, nous nous sommes rendus au Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble, le seul au monde à posséder un spécimen de cette espèce endémique qu'on croyait disparue. Les dahus se différencient souvent dans leurs sous-espèces par les dimensions des pattes. Alors celui-là, c'est un dextrogyre, il tourne à droite, vous voyez, les pattes droites sont plus courtes, donc il est sur les pentes typiques de la Chartreuse, il va tourner dans ce sens-là. Autre particularité du dahu chartreusain, son pelage tout jaune le protège des UV. Alors s'il a une alimentation principalement composée de fleurs jaunes qu'il arrive à métaboliser grâce à une hormone pancréatique et c'est les extraits de cette hormone en fait qui ont provoqué sa relative disparition parce qu'elle a été utilisée notamment dans les teintureries à Grenoble. Voilà, les teintureries à Grenoble qui utilisent le dahu pour faire du jaune. C'était sur FR3 en 2011. Marcel Jacquet, il y a énormément d'humour, mais il y a aussi quelque chose qui constitue une identité particulière. Vous avez le dahu. Ah, nous avons, moi je croyais que nous avions le seul dahu naturalisé d'Europe, mais apparemment mes collègues de Grenoble prétendent en avoir un aussi. Ce qui est étonnant parce que j'ai eu des très bons contacts à Grenoble et je ne l'avais jamais vu, mais l'un n'empêche pas l'autre. On va le retrouver en Algérie aussi, le dahu. Absolument. J'avais fait, lors du lancement, si vous voulez, du projet pour l'exposition du dahu, j'avais fait une recherche dans une revue française, d'ailleurs la revue des musées, la revue de l'OSIM, j'avais fait une demande de témoignage. Et est arrivé un témoignage d'une professeure de Paris, qui était une professeure pied noir, Madame Jacqueline Peignot, professeure de didactique et d'épistémologie, sauf erreur, qui m'avait témoigné que lorsqu'elle était jeune, en Algérie, elle allait à la chasse au tchibek, ce n'est pas le dahu, mais la chasse au tchibek, un animal qui se déplaçait, comme le dahu, sur les dunes du nord de l'Algérie. Et j'ai eu d'autres témoignages de ce type-là. Il y a eu des témoignages de paléontologues qui m'ont rappelé qu'ils avaient écrit un article sur un dahu ancien. J'ai eu des témoignages d'une personne de Nantes qui me parlait du dahu qui se promenait sur les pentes de la vallée de la Loire, du côté de Nantes, etc., etc. Donc, finalement, le dahu, il appartient à notre patrimoine intellectuel francophone, d'une part, mais on peut aller jusqu'en Allemagne où on retrouve un animal semblable qui s'appelle le Hangnager, le rongeur de pente. On peut retrouver le Rasafiel en Espagne, le Sarchiapone en Italie, et on retrouve dans le Val d'Oste, au Muséum des Forts de Bar, un dahu naturalisé là aussi. Voilà, des dahus un peu partout, des dahus qui nous plaisent énormément parce que il y a comme un sourire et puis un message porté par cet animal avec des pattes de taille différentes selon d'un côté ou de l'autre. Mais dans la montagne, parfois, il y a des choses plus sombres mais tout aussi sublimes. Plongeons-nous dans l'antre du roi de la montagne. Thank you. Peer Gynt dans L'Antre du roi de la montagne d'Edvard Grieg. Et là, c'est une direction de Leonard Bernstein sublime. Dans Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Hellig, avec aujourd'hui à la technique Laurie Vachon, Le cours de l'histoire qui s'intéresse aux bestiaires de la montagne, à ces animaux qui nous fascinent, parfois nous amusent, tiens, voici un dahu, qui parfois nous font peur. Jean-Marc Morisseau, le loup, personnage essentiel de notre imaginaire, de nos contes d'enfance, voici Le Petit Chaperon Rouge, Promenons-nous dans les bois. Le loup, tel que vous l'étudiez, est une réalité et une crainte palpable. Et en lisant vos ouvrages sur l'histoire du grand méchant loup, L'homme contre le loup, nous le sentons, c'est une peur quotidienne, plutôt nocturne. Alors, la peur est nocturne, la réalité, elle est diurne, puisque cela correspond à des épisodes rares, mais qui ont marqué les générations, notamment d'attaques de loups sur l'homme en série. Pour faire plaisir, j'allais dire, à nos amis jurassiens, je rappellerai que Colette Merlin a montré une série d'attaques de loups dans la petite montagne jurassienne entre 1776 et 1777, cette série d'attaques a dévoré une dizaine de bergers et en a blessé autant. Dans le Val-Romais, qui est une autre région enclavée de plateaux, de combes autour de 600-800 mètres entre Ambérieux et Bellegarde, à l'intérieur en quelque sorte d'un bassin avec de chaque côté des grands crêts de 1100 à 1500 mètres, dans ce bassin fermé, il y a eu à 3 ou 4 reprises des attaques de loups sur les enfants, à la fin des guerres de religion, vers 1580-90, mais pendant la guerre de 30 ans, dans les années 1630-1640, et en période de paix ensuite, sous Louis XIV, vers 1670-80, et sous Louis XV, vers 1739-41. Et aux portes du Jura, et à la limite avec la Savoie, dans les campagnes du Genevois, de part et d'autre de la frontière entre la Suisse et puis la France, une cinquantaine d'enfants ont été blessés et dévorés par des loups entre 1747 et 1752. Donc ces épisodes-là ont marqué 2 ou 3 générations. Ils n'ont pas duré plus de 3, 4 ou 5 ans à chaque fois. Mais évidemment, les conséquences anthropologiques étaient terrifiantes pour les témoins et pour les familles. Et pendant 50 ans ou 60 ans, on en gardait le souvenir jusqu'à l'amplifier. Et ça contribue à expliquer une partie de notre imaginaire négatif à l'égard du loup. Et justement, parfois, quand nous parlons du loup et que nous l'entendons, bien sûr, cela provoque des frissons. Jean-Marc Morisseau, comment expliquer qu'il y a soudain des attaques de loups? Qu'est-ce qui fait que le loup se mette à attaquer l'être humain? Alors, des raisons tout à fait logiques. Il faut bien voir que l'homme, jusqu'au XVIIIe et même jusqu'au XIXe siècle, n'est pas aussi puissant, n'a pas un contrôle aussi important du territoire qu'il ne l'a depuis le XXe siècle. Et ces hommes, qui sont souvent aux portes de la misère et qui sont en situation de survie entre deux famines, envoient leurs enfants comme aides familiaux pour aller garder les vaches dans des pâturages dispersés dans les au bas des montagnes ou dans les sur les plateaux ou dans les plaines aux portes des bois. Et ce sont des proies faciles, évidemment, pour certains loups. Alors, la plupart n'attaquent pas l'homme, mais quelques individus dispersés qui peuvent prendre finalement goût à la chair humaine en voyant que ce sont des proies faciles, y reviennent. Et on a ainsi des séquences d'attaques qui durent des semaines, voire des mois, voire des années, quand les conditions politiques et environnementales, évidemment, le permettent. Et quand on fait un calendrier mensuel des attaques de loups sur l'homme, on est sidéré en tant qu'historien par la régularité de ce calendrier. Pendant l'hiver, il y a très peu d'attaques parce que, évidemment, les femmes et les enfants sont repliés dans l'univers domestique avec les animaux d'ailleurs. En revanche, à partir du mois de mars, la fin mars et le mois d'avril, à partir de la période de Pâques, quand les bêtes partent au pâturage sous la conduite des enfants et des femmes, qui participent également aux travaux des champs, à ce moment-là, les attaques commencent à reprendre et elles deviennent maximales au mois de juin et au mois de juillet, quand les activités agricoles battent leur plein, avec des champs qui sont véritablement des zones de protection par rapport aux loups, puisque le seigle ou les mélanges de seigle et de froment qu'on appelle le métail atteignent facilement 1m10 ou 1m20, et comme la hauteur du loup au garrot est de l'ordre de 70 à 90 cm en général, ou 1 mètre, ils se glissent dans ces champs pour aller attaquer évidemment les jeunes proies qui peuvent s'y trouver. La végétation le protège en quelque sorte, et il est hors de question de chasser le loup pour ne pas détruire évidemment la production agricole à une époque où les rendements ne sont pas de 80 quintaux à l'hectare, mais de 7 ou 8 quintaux à l'hectare. Donc il faut attendre finalement la fin de l'été pour que, à ce moment-là, les activités agricoles se réduisant, les foies ramenant les animaux finalement en plaine, que les adultes puissent faire des battues au loup. Et ces battues au loup ont lieu entre le mois d'octobre, novembre et le mois de février-mars, je dirais à la fin de l'automne et surtout en hiver, et c'est là que les attaques se raréfient. Il y a donc une sorte de coïncidence entre les attaques de loups sur l'homme et le calendrier agro-pastoral des activités humaines dans l'Europe pré-industrielle. C'est en cela que votre travail est essentiel, Jean-Marc Morisseau, parce que le loup se réduit souvent, quand nous évoquons les attaques du loup, à une bête. Cette bête n'est pas n'importe laquelle, c'est celle du Gévaudan. Alors, cette bête ? Rien. Rien et rien. Au fond, elle a peur de moi. Son instinct lui dit que j'ai tué 1200 loups. Elle me fuit. Et quand je suis d'un côté, elle va dévorer de l'autre en emmenant mes chiens après elle. Hé, hey, pardi. J'ai appliqué alors mon deuxième plan. J'interdis que l'on déplace le corps de la fille à demi dévorée à Saint-Denis, et j'y mets moi-même sous la peau de quoi empoisonner 10 loups. Savez-vous ce qui arrive ? Ah, ma foi, non. Eh bien, la famille refuse. Toute la population, curée en tête, prend son parti. Ils montent la garde autour du corps. Un si bel appât. Oh, les rustres. Mais, monsieur Denval, mettez-vous à la place des gens qui connaissaient cette fille. Je vois qu'ils ne connaissent rien à la chasse. La bête du Gévaudan, dans une adaptation de Jean-Jacques Aslanian et de Jean Colombe. Cette bête du Gévaudan est celle qui résume toutes les attaques de loups, mais de manière erronée, Jean-Marc Morisseau. La bête du Gévaudan, bien sûr, mais il y a plein de bêtes, plein d'affaires de ce type-là que vous avez pu étudier. Alors tout à fait, quand on regarde le territoire français entre la fin du Moyen-Âge et le milieu du 19e siècle, on constate qu'il y a 120 bêtes comparables à la bête du Gévaudan qui parsèment la carte de la France, depuis la région parisienne où il y a une terrible bête du Gâtinais qui a fait 2 fois plus de morts et de blessés que celle du Gévaudan à la fin de la Fronde, entre 1653 et 1657, jusqu'à la bête de Touraine, qui, encore une fois à l'époque du petit chaperon rouge, entre 1690 et 1700, fait plus de morts et de blessés que la bête du Gévaudan, jusqu'aux loups, notamment du Toulousain et du Lauragais, qui à l'époque d'Henri IV, sont particulièrement féroces. Donc, il n'y a pas une seule région française, sauf certains secteurs sans doute du sud-ouest, qui a été indemne de ces ravages considérables. Et il faut bien voir que la bête du Gévaudan est l'une de ces dernières bêtes, ce n'est pas la dernière, mais elle a été la plus célèbre parce qu'elle est venue au bon moment, après la guerre de 7 ans, en période d'accalmie où les actualités marchaient au ralenti alors que la presse française et internationale s'était fortement développée. Et ce fait divers a été érigé en mythe et a correspondu à un intérêt national qui a été important pendant au moins une année. Le temps que le roi Louis XV envoie son porte-arquebuse, François-Antoine, pour détruire la première des bêtes du Gévaudan, qui est un des très gros loups, qui a été tué, qui avait évidemment attaqué les hommes en Gévaudan. Ensuite, le Gévaudan est laissé à lui-même pendant encore 2 années. Il y a des attaques de loups sur les enfants, et la dernière de ces bêtes ne sera tuée qu'en 1767. Mais il faut bien voir que cette bête du Gévaudan a joué un rôle important parce que de Boston et du Québec jusqu'en Hollande et en passant par l'Espagne et par l'Italie, on a parlé d'elle. Le courrier d'Avignon, qui était l'équivalent du Midi Libre en quelque sorte en 1764, a lancé l'affaire, relayée par la Gazette de France, puis par la Gazette de Cologne, et les journaux anglais se sont donnés ensuite libre cours pour critiquer l'inefficacité des chasses, bien entendu, et ça a été une véritable affaire internationale. Donc cette bête du Gévaudan est restée ainsi dans nos mémoires, mais elle n'est que l'archétype, en quelque sorte, de ces attaques en série sur l'homme qui se sont maintenues encore au XIXe siècle, et qui sont pas propres à la France, puisqu'on trouve la même chose en Allemagne, en Italie, en Roumanie, en Russie, en Espagne, au Portugal, et dans beaucoup de territoires. La bête du Gévaudan, 1764-1767, oui. Mythe et réalité. Jean-Marc Morisseau, c'est le titre de votre ouvrage à paraître chez Talendier, je le dis tout de suite, parce que c'est comme le Dahu, il n'est pas encore sorti, mais il va arriver. C'est un ouvrage qui va faire référence, on le sent bien, parce que ici, nous sommes sur quelque chose que tout le monde a en esprit, la bête du Gévaudan, parce qu'il y a des films, parce que il y a tant et tant de narrations, mais avec énormément de mythes autour de cette histoire-là. Vous nous dites, c'était bien un loup ou des loups? Alors, je laisserai un petit peu les lecteurs et les auditeurs regarder et découvrir quand l'ouvrage se sortira au mois de juin. Mais ce qui est important, c'est qu'à l'époque même de la bête du Gévaudan, beaucoup de personnes dans les milieux populaires comme dans les milieux cultivés de l'époque n'imaginaient pas que ce fût un simple loup. Et on parlait notamment de hyène. C'est tout à fait intéressant. La hyène était passée à la mode avec notamment Buffon et son histoire naturelle. Et puis, une autre série d'attaques avait eu lieu en montagne également, dans les monts du Lyonnais et du Beaujolais. Donc, encore une fois, on est en moyenne montagne, dans des petites montagnes, à 800 mètres, 700 mètres, 900 mètres, etc. Et entre 1754 et 56, une cinquantaine d'enfants avaient été dévorés et blessés par ces loups carnassiers, c'est-à-dire amateurs de chair humaine, qu'on appelait des hyènes, parce que l'image de la hyène d'Afrique était en quelque sorte particulièrement répandue depuis une dizaine d'années. Il faut bien voir qu'en Afrique, d'ailleurs, la hyène est un animal emblématique hein, de la sorcellerie. Et il y a eu un transfert culturel de cette image négative de la hyène de l'Afrique à l'Europe, qui mériterait d'ailleurs toute une étude. Mais la bête du Gévaudan est qualifiée de hyène, et les figures que l'on en a, qui sont des images superbes et épouvantables, et qui défraient la chronique, montrent que c'est une sorte d'hybride entre le loup et la hyène. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après la bête du Gévaudan, en 1788 encore, en Provence, quand un loup attaque une dizaine d'enfants, on parle de hyène entre les morts et les stérelles. Et ce mythe de la hyène exotique, il traverse la Révolution. En 1816, au sud de la France, quand il y a une louve enragée qui sévit dans les Pyrénées-Orientales, un médecin est obligé de déterrer l'animal qui a été tué pour s'assurer que c'était pas une hyène, parce que les gens croyaient que c'était encore une hyène. Eh bien, parfois, ce n'est pas l'enfant qui meurt, hein. Parfois, c'est simplement la mort du loup, la mort du loup d'Alfred de Vigny. Le loup vient et s'assied. Les deux jambes dressées par leurs ongles crochus dans le sable enfoncé, il s'est jugé perdu, puisqu'il était surpris, sa retraite coupée, tous ses chemins pris. Alors il a saisi dans sa gueule brûlante du chien le plus hardi la gorge pantelante et n'a pas desserré ses mâchoires de fer, malgré nos coups de feu qui traversaient sa chair et nos couteaux aigus qui, comme des tenailles, se croisaient en plongeant dans ses larges entrailles jusqu'au dernier moment où le chien étranglé, mort longtemps avant lui, sous ses pieds à rouler. Le loup le quitte alors et puis il nous regarde. Les couteaux lui restaient au flanc jusqu'à la garde, le clouaient au gazon tout baigné de son sang, nos fusils entourés en sinistre croissant. Il nous regarde encore. Ensuite il se recouche, tout en léchant le sang répandu sur sa bouche et, sans daigner savoir comment il a péri, refermant ses grands yeux, meurt sans jeter un cri. Daniel Königsberg qui lisait La mort du loup d'Alfred de Vigny en 1843. Jean-Marc Morisseau, 1843, les loups sont encore très présents en France. Ils existent, ils sont au-delà de l'imaginaire, ils sont dans les campagnes, dans les montagnes. À quel moment le loup disparaît en France ? Alors, le loup disparaît par une véritable campagne d'extermination qui a été accélérée par la Troisième République à partir de 1883 jusque vers 1890. On tue un millier de loups chaque année en France, à peu près, jusqu'à compromettre complètement la reproduction. On les tue, évidemment, avec des primes qui ont été multipliées par 7 ou par 8. Alors, il n'y a quasiment plus de loups à partir de 1914, sauf quelques loups erratiques ou qui viennent de l'extérieur. Et en 1954, pour revenir aux montagnes qui nous intéressent, tout au moins près des montagnes, dans l'Isère, à Vigneux, il y a une grande battue qui a lieu parce qu'il y a un couple de loups qui a été repéré, sans doute des loups qui viennent de l'Italie. Et les rumeurs allaient bon train. On est en 1954, on parlait d'un lion, d'une hyène, vous voyez, on revient toujours sur l'imaginaire, et d'un loup. Et de ce couple de loups, l'adulte, le loup adulte a été abattu, alors que la femelle a réussi, par le Jura, encore clin d'œil pour nos amis du Jura, à regagner la Suisse et n'a jamais été rattrapée. Eh bien justement, direction le Jura, avec vous Aurélie Resser-Elzing, dites-nous combien ces animaux, nous parlons du loup qui sont éliminés, éradiqués, combien ces animaux font peur ou sont juste présents à côté des humains qui peuplent la montagne dans les contes que vous avez étudiés. Ils sont toujours terrifiants, ces animaux ? Oui, la plupart du temps, ils sont vraiment terrifiants. On a des coqs noirs, des poules noires et c'est cette poussine, par exemple, la poule noire et cette poussine qui est vraiment terrifiante. Souvent, ce sont des sorcières hein, ou des sorciers qui se transforment la nuit. Alors, ce qui est intéressant de voir dans les contes que j'ai traduits, c'est qu'il y a vraiment une dimension de l'espace. Hein. Donc, il y a l'espace domestique qui est le village, donc l'église, le bistrot du village, les fermes. Et puis, on a avec la limite avec le clos qui entoure la ferme. Et puis, on part direction les pâturages. À travers, donc on appelle ça un clédar, hein, dans notre langage régional, donc une porte de pâturage qu'on ouvre. Et derrière, il y a les pâturages où on fait paître les bêtes. Et plus loin encore, la forêt, et évidemment les rochers, les grottes, etc. Donc c'est un monde qui appartient aux êtres fantastiques. Et donc il y a un pacte tacite qui se fait entre les humains et l'univers fantastique, qui est que à certaines périodes de l'année et notamment la nuit, ce monde en fait ne doit pas être dérangé par les humains. Et donc, si les humains respectent ces règles tacites, il ne leur arrivera rien. Mais évidemment, dans les contes, il y a toujours quelqu'un, un jeune homme ou une jeune femme, qui va transgresser et il va se trouver nez à nez avec ces animaux ou ces bêtes fantastiques. Et justement, eh bien, nez à nez avec un loup, cela devient possible à partir des années 1990. Jean-Marc Morisseau, nous avons besoin de l'historien à ce moment-là pour la réapparition du loup dans nos montagnes. À quel moment revient-il ? Alors, le loup a été observé en France la première fois en novembre 1992, dans le cadre du Mercantour, mais pour assurer son retour sans trop de soucis et sanctuariser également sa protection, un silence, en quelque sorte, a été adopté par le ministère de l'Environnement de l'époque et les agents du parc pour laisser à Terre Sauvage, qui était le journal des naturalistes, le soin, mais uniquement au mois d'avril, mai 1993, c'est-à-dire 5-6 mois après, de lancer en quelque sorte la nouvelle du retour du loup. Mais entre-temps, ce loup avait fait quelques ravages, notamment parmi les troupeaux des bergers. On leur disait que c'était des chiens errants et pas des loups. Et de ce malentendu, pour ne pas dire de cette tromperie, est née une sorte quand même de conflit entre le milieu pastoral, qui est la première victime, à tous les sens du terme, du retour naturel protégé du loup, et puis les pouvoirs publics. Donc il y a une volonté, en fait, au tout début, quand le loup revient dans nos montagnes, de cacher sa présence. Mais quelle est l'explication, en fait ? Il y a, donc vous nous dites, hein, Jean-Marc Morisseau, pendant quelques mois, allez, ce mensonge en disant que ce sont des chiens errants. Pourquoi attendre autant ? Eh bien, parce qu'il fallait pas remettre en cause quand même ce qui était une bénédiction pour beaucoup de naturalistes, c'est-à-dire le retour du loup en France, auquel qu'ils espéraient depuis longtemps, et pour lequel des mesures de protection européenne avaient été prises, comme la Convention de Berne en particulier, mais tout n'avait pas été quand même en quelque sorte ficelé. Et c'est assez étonnant de voir que c'est en juillet 1993 qu'un arrêté est pris pour assurer le statut de protection du loup dans le droit français, en supprimant les vieilles mesures faisant du loup un animal nuisible. Or, cet arrêté a été pris sans consulter le ministre et sans consulter non plus le Conseil national de protection de la nature. Donc, on voit que Ségolène Royal, qui était ministre à l'époque, n'a appris le retour du loup que par son successeur, Michel Barnier. Donc, le loup, de toute façon, est un animal fascinant, mais dont on protège la présence, dont on cache quelquefois les actions, tant les passions autour de lui sont importantes. Oui, parce que vous avez choisi, Jean-Marc Morisseau, d'étudier le loup, mais quelle drôle d'idée, parce que vous le sentez bien, tout de suite, il y a polémique. Le travail de l'historien n'est pas là pour porter à la polémique, mais pour donner des informations, des analyses. Mais vous voyez bien qu'il y a très vite polémique. Alors, bien entendu, alors moi, le loup m'intéresse parce que c'est un révélateur, d'une part, des mentalités, mais également des rapports entre l'homme et son espace, et également de la situation de l'environnement dans l'histoire. C'est un formidable révélateur donc de pour l'historien. Mais également, il est évident que le retour du loup et la présence du loup peut satisfaire, au point de vue idéologique, une prise de position qui remet en cause la place de l'homme dans l'univers par rapport aux autres espèces, mais frappe de plein fouet une minorité très étroite de la population qui paie le prix fort de politiques de protection en ayant finalement une vie perturbée, extrêmement difficile dans les alpages et dans les pâturages pour essayer de, en quelque sorte, de sauvegarder la protection de leurs troupeaux. Il y a une détresse chez les éleveurs et chez les bergers que connaissent bien les populations des Alpes du Sud, mais qui s'est répandue à une trentaine, même une quarantaine de départements aujourd'hui, puisque la question maintenant interpelle également le Jura, puisqu'on parlait du Jura, les Vosges, le Massif central. On a signalé il y a à peine deux jours un loup dans la région de Salers, dans le Cantal, mais le loup va même jusqu'en Normandie, puisque on a en Seine-Maritime 57 victimes, alors pas humaines cette fois, hein, mais animales du loup qui ont été constatées l'an dernier, sur à peu près 12 000 à l'échelle de la France. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la Normandie, où le loup ne devait pas en quelque sorte être important, en fait, chez l'historien, joue un rôle très important, puisque le loup en Normandie, c'est un véritable sujet d'histoire. Eh bien, il est revenu en Seine-Maritime, aux mêmes endroits d'où il avait été chassé entre 1870 et 1890. Jean-Marc Morisseau, vous êtes d'ailleurs l'auteur d'un ouvrage sur le loup en Normandie. Alors vous êtes professeur à l'université Caen Normandie. Donc pour l'instant, il n'y est pas encore, mais il s'approche. Si vous dites qu'il est en Seine-Maritime, attention, n'allez pas vous promener dans les bois, Jean-Marc Morisseau. Merci vivement à vous de nous avoir parlé du loup, je rappelle, hein, l'histoire du grand méchant loup ou encore l'homme contre le loup. Et puis nous attendons votre bête du Gévaudan, mythe et réalité. Et merci aussi beaucoup à Marcel Jacquin pour nous avoir présenté le Daus, qui n'est pas rien et ce qui donne d'ailleurs envie d'aller visiter le musée d'histoire naturelle de la Chaux-de-Fonds en Suisse. Ah, en Suisse, les musées doivent être ouverts. Et merci beaucoup Aurélie Reuser-Elzingre pour nous avoir parlé de ces habitants de la montagne étonnants, vouivres, sorcières, grimoires et loups-garous. Contes et légendes du Jura, des contes que vous avez traduits. Merci à tous les trois et nous continuons notre exploration de l'histoire avec le pourquoi du comment, une réponse éclairante à une question simple que nous nous posons tous. Qu'est-ce qu'un sans-culotte ? C'est un être qui va toujours à pied, qui n'a pas de millions comme vous voudriez tous en avoir. Point de château, point de valet pour le servir, et qui loge tout simplement avec sa femme et ses enfants, s'il en a, au quatrième ou au cinquième étage. Il est utile, il sait labourer un champ, forger, scier, limer, couvrir un toit, faire des souliers et verser jusqu'à la dernière goutte de son sang pour le salut de la République. Comme il travaille, on est sûr de ne rencontrer sa figure ni au café, ni dans les tripots où l'on conspire, ni au théâtre. Le soir, il se présente à sa section, non pas poudré, musqué, botté, dans l'espoir d'être remarqué de toutes les citoyennes des tribunes, mais pour appuyer de toute sa force les bonnes motions. Au reste, un sans-culotte a toujours son sabre pour fendre les oreilles à tous les malveillants. Quelquefois, il marche avec sa pique, mais au premier bruit de tambour, on le voit partir pour la Vendée, pour l'armée des Alpes ou pour l'armée du Nord. Ce portrait du sans-culotte est paru en 1793 dans Le Père Duchesne, un journal révolutionnaire très populaire à l'époque. Il donne une description d'un groupe social qui correspond en partie à la réalité, mais dans une perspective hagiographique que l'historien ne peut pas reprendre à son compte. L'épithète sans-culotte, qui est antérieure à la Révolution, désignait tout homme qui ne portait pas la culotte courte avec des bas, mais un simple pantalon. C'était l'habit des travailleurs manuels, des ouvriers, des boutiquiers et des artisans. Le fait que ce costume ait été adopté pendant la Révolution par des employés, des avocats et au-delà par tous ceux qui se disaient patriotes est un bon exemple des effets de contagion que peut provoquer une conjoncture révolutionnaire quand les élites cherchent à ressembler au peuple en lutte. Ce costume populaire est devenu le signe visuel du changement brutal qui s'est produit dans le système de la représentation politique. Alors que sous l'Ancien Régime, la noblesse représentait la France parce qu'elle se distinguait radicalement du peuple, la Révolution de 1789 a renversé cette norme ancestrale. À partir de ce moment-là, en effet, il a fallu prétendre être issu du peuple pour espérer représenter la nation. Mais à partir de 1792, l'irruption des sans-culottes dans l'arène politique a marqué le début d'une nouvelle crise dans l'histoire de la représentation politique. Les sans-culottes dénoncent le fait qu'aucun député du tiers-état ne soit issu des classes populaires, alors que ces députés prétendent représenter le peuple tout entier. Les sans-culottes se mobilisent pour imposer une démocratie directe qu'ils mettent en pratique de trois façons différentes. Ils commencent par se réunir au sein de leur comité de quartier ou de section, puis ils adressent des pétitions aux élus pour leur faire connaître leurs revendications et ils finissent par s'engager dans des actions de plus en plus radicales. L'insurrection du 10 août 1792 entraîne la chute de la monarchie et l'avènement de la Première République, mais elle débouche sur une violence de masse qui se retournera finalement contre les sans-culottes. En 1794, après la chute de Robespierre, ils font l'objet d'une répression sanglante qui anéantit leur pouvoir et leur rôle social. Loup, marmotte et dahu, nous ne sommes pas seuls en montagne, non pas du tout, il y a beaucoup de loups. Dites-nous Marcel Jacquat, vous, dans votre regard d'ancien directeur du musée d'histoire naturelle de la Chaux-de-Fonds en Suisse, quelle place a le loup dans la montagne ? Ben, il se trouve que le musée d'histoire naturelle de la Chaux-de-Fonds possède le dernier loup tué dans la région en 1845. Il se trouve que nous avons, à l'occasion du 150e anniversaire de cette battue, organisé une exposition. Je suis allé sur place dans le Mercantour en 94. J'ai discuté avec des bergers, avec des forestiers, et on a pu constater que la place du loup prédateur de moutons était souvent prise par des chiens errants. Et avec des témoignages authentiques. Et j'ai regretté de la part de M. Morisseau son plaidoyer négatif pour le loup parce qu'il y a d'autres témoignages qui sont beaucoup, beaucoup moins graves que celui qu'il a fait. Bon, mais... Il n'y a pas eu l'ombre d'un naturaliste qui est venu contrecarrer. Si. Vous êtes là, Marcel Jacquat. Par définition, vous êtes là, Jean-Marc Morisseau. À la regard d'historien, les attaques de loups sont là, mais dans l'histoire, et le loup a une place sans doute dans la montagne. Sujet polémique s'il en est, c'était le cours de l'histoire sur France Culture. Une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Jeanne Delecroix, Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.